Vous êtes plutôt procrastinateur à la Hamlet, dépendant affectif comme Roméo, aussi castratrice que Lady Macbeth? Cette semaine dans votre magazine Pipa, retrouvez le grand test de l'été. Quel personnage de Shakespeare êtes-vous? Également à la une, vos témoignages. Ma copine allume tous les mecs comme cette salope de Desdemone. Je deviens fou. Et ne manquez pas à l'interview choc, moi, Richard III, pervers narcissique et bien dans mes baskets. Le dernier numéro de Pipa est votre supplément Trajet du Gastro chez votre marchand de journaux au prix exceptionnel de 49,99€. Pipa, le magazine qui en a. Ça va pas la tête?